Bonjour à tous. Découvrons aujourd'hui la signification du numéro des anges 222, qui veut dire joie, équilibre et paix. Si le numéro 222 est partout autour de vous, c'est plus qu'une simple coïncidence. Ce chiffre est très puissant. Il signifie que votre ange gardien a un message pour vous. Vos rêves vont se réaliser. La confiance, l'amour et l'harmonie seront des atouts à ne pas négliger. Découvrez ce que ce signe divin vous réserve et quelle est sa signification. Vous allez enfin comprendre pourquoi le nombre 222 vous accompagne partout. Votre ange gardien souhaite vous faire passer un message très important. Votre attitude pacifiste va bientôt vous réussir. Le chiffre 2 symbolise en effet l'harmonie et la réussite. Et dans cette combinaison, il est triplé, ce qui en dit long sur sa puissance. C'est un appel à la paix. Le chiffre 2 est le chiffre le plus féminin de tous les nombres. Soyez flattés, mesdames, puisqu'il représente la joie, l'équilibre et la paix. Il concerne le désir, l'amour et la santé. Le bonheur dans toutes les relations. Tous ceux qui voient ce numéro sont des personnes authentiques, émotives, dévouées et intuitives, ce qui fait d'ailleurs leur force. Ce chiffre est à la fois fort et gracieux. Sa forme se plie mais ne se brise jamais sous la pression. À chaque obstacle rencontré, il vous rappelle donc que nous pouvons nous adapter à la situation. Rester juste et flexible, même dans l'adversité, nous permet de faire des compromis et de maintenir la paix. Il représente également le mariage et les partenariats. Le chiffre 222 dans votre vie veut dire que votre ange gardien vous envoie des ondes positives. Pour comprendre le sens précis de cette combinaison, vous pouvez tout à fait communiquer avec votre ange gardien. En tant qu'intermédiaire, nous avons décrypté pour vous les 6 messages spirituels de ce 222. Le premier message est de mettre de côté vos pensées négatives. Si vous traversez une période d'anxiété, votre ange gardien vous informe que tout va bien se passer. Les inquiétudes et les doutes nous prennent beaucoup d'énergie. Et le nombre angélique 222 semble nous réconforter quand ces émotions négatives prennent trop de place dans nos pensées. Vous avez en vous la capacité et la sagesse de discerner le bien du mal et cette vertu vous réussira. Le second message de ce chiffre 222 est de croire en vous. Le chiffre 222 nous encourage vivement à continuer de croire en nos capacités et en nos rêves. Il faut aller de l'avant avec un état d'esprit optimiste et positif. Le reste suivra. La troisième signification de ce message est de ne pas relâcher vos efforts. Poursuivez donc le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant et les résultats de vos efforts ne tarderont pas à apparaître. Votre ange gardien vous envoie de l'aide pour réussir et avant tout, il vous apporte de l'encouragement et de la confiance. La quatrième signification de ce chiffre 222 et que vos relations sont importantes. Le numéro 222 apparaît régulièrement lorsque notre ange nous demande de prêter une attention toute particulière à nos amitiés ou à nos relations. Ces dernières nous sont utiles pour avancer plus loin. Le 2, par opposition au chiffre 1, nous rappelle l'importance d'être entouré. Alors nous sommes invités à écouter attentivement les messages que les autres veulent nous transmettre. La cinquième signification de ce 222 et que votre générosité est appréciée. Voir la combinaison de 122 vous prouve aussi que vous êtes quelqu'un d'altruiste et généreux. Vous n'hésitez pas à partager ce que vous avez et à aider vos semblables. Pour vous, c'est un acte d'amour. D'ailleurs, vous savez donner sans rien attendre en retour. Et c'est cette mentalité qui fait de vous une personne tant appréciée par votre entourage. Continuez ainsi. La sixième signification est que vous êtes épanoui en couple. Si vous vous posez des questions et si vous êtes actuellement en relation, ce numéro est un signe que tout va bien, que votre union est épanouissante. Peu importe la durée de cette relation, qu'elle dure un mois, 6 mois ou toute une vie, si vous voyez le numéro 222 lors de votre relation, c'est qu'elle s'est produite pour une raison essentielle. Vous montrez les bienfaits d'un amour sain qui vous apporte beaucoup. Si c'est en regardant votre montre que vous voyez régulièrement la suite 222, sous la forme de l'heure triplée 2h22, c'est qu'un ange en particulier veut attirer votre attention. Son nom est Kaetel, et il représente la bénédiction et la récolte. Par ce message, il vous accorde toute l'énergie nécessaire pour la réussite de vos projets. Votre force de travail va se décupler, et votre vie active sera remplie de belles opportunités. Avec lui à ses côtés, vous récolterez un immense succès. La signification du nombre 222, quand 2 plus 2 plus 2 égale 6. Cette suite ramène également en chiffre 6. En numérologie, ce chemin de vie vous indique avec quelle personne vous êtes compatible. Vous pouvez calculer votre chemin de vie sur notre site astrocenter.fr et nous vous donnons également le lien dans la description de cet audio. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez consulter la suite des significations des chiffres sur notre chaîne YouTube ou, pour aller plus loin, consulter notre site astrocenter.fr où vous découvrirez les heures miroirs et les heures inversées. Bonne journée !